octobre de la même année. J'aime une heure de ma promenade d'hier à Versailles. C'était autour du Grand Trianon, errer à pas lents en son morne et charmant jardin, le long des colonnes de pierre rose qui soutiennent le bas et gracieux monument, sur ces beaux perrons aux marches disjointes et grises qui l'exhaussent, perrons captieux avec leur descente qu'il faut remonter, leur circuit d'escalier, et ainsi on tourne du petit palais retenu par ces ruses du lieu, comme s'il voulait garder ainsi plus longtemps auprès de lui le rare et silencieux témoin de sa solitude. Lieux oubliés où la mélancolie s'accentue jusqu'à la tristesse, le jardin est lamentable, les bancs sont rompus, les marbres sont de belles lépreuses. Il y a un petit bassin où l'eau est comme de marbre noir avec les feuilles mortes qui l'encombrent. Et au centre, un amour de bronze y tord sa pose gracieuse. Pauvre palais où la mélancolie y mine et on y trouve la tristesse. Des allées de platanes et de peupliers y conduisent. On marche sur les feuilles et des corbeaux croissent dans les hauts arbres. De vieux jardiniers ramassent les feuilles mortes. Elles exhalent une odeur humide, une odeur de terre. La mélancolie règne à Versailles, dont le parc se dispose comme un miroir pour répondre à la tristesse du promeneur. Ces motifs privilégiés reviennent jusque dans les derniers textes de Régnier. Il note également en décembre 1892 à Versailles, « La mélancolie qu'on y apporte se fond si bien avec celle qui languit en ce vieux parc » qu'on le sente en soi et qu'on est en lui. Les désirs y prennent la forme des gracieuses et tristes statues, et les pensées y sont les eaux qui reposent et végètent. Régnier ne cesse de célébrer ces lieux, et cette constante célébration gagne chaque fois un peu plus de force. La parfaite adéquation au songe submerge toute forme de tristesse. Versailles représente en effet, au sein de la poétique de Régnier, une sorte de lieu étalon du songe et du rêve. Il s'en explique longuement dans la conférence qu'il donne à Bruxelles en février 1894 et qui s'intitule « Le bosquet de Psyché ». Il parle ainsi des lieux de puissante évocation poétique. Je le cite. « Parfois, ce n'est pas une ville qui prédispose à cet état d'esprit et de pensée où l'on est plus propre à goûter autre chose que soi. Un lieu suffit à créer en nous cette transformation méditative. Il en est un, beau entre tous, le vieux et royal Versailles. » C'est une des plus grandes beautés qui soit. Le parc incarne pour Régnier un espace de solitude, de silence et de rêverie dans lequel le temps, d'ordinaire destructeur, semble comme suspendu et laisse place à l'enchantement de l'art. Versailles, sous la plume de Régnier, représente plutôt non pas le château, mais le parc et les jardins. Le château figure une toile de fond, un point de départ pour le promeneur en quête de songes. Le parc royal de Versailles forme le cœur vivant et vibrant de ce texte du Bosquet de Psyché. On vit là des heures éternelles, quand l'automne redore ses feuillages alors des soleils couchants. On sent, dans le labyrinthe coquet des allées ou sur l'herbe des boulingrins, qu'on marche à côté d'une ombre invisible. Les blanches statues sourient encore de l'avoir vu passer. Des ramiers roucoulent dans les vieux arbres, les eaux et les feuillages stagnent et se fascinent de l'accord de leur double mélancolie. Régnier retrouve là ses motifs favoris, l'errance hyperesthésique, les statues vivantes, les mirages de femmes, l'ombre fuyante, la mélancolie et le double. En 1902, Régnier publie, à quelques mois de distance, deux livres consacrés à Versailles. 10 ans auparavant, en août 1892, il écrivait, en effet, « Versailles, en faire le sujet d'un roman où le personnage trouverait dans le silence des eaux la proportion des architectures, la beauté des marbres, la paix des ombrages, la raison d'être de soi-même et l'équivalent de son esprit. » Les livres de 1902 répondent en partie à ce programme, puisque le roman intitulé « Le bon plaisir » favorise l'épique, le cocasse, et livre un merveilleux exemple de pastiche, tandis que le recueil de poèmes intitulé « La cité des eaux » privilégie la contemplation et la mélancolie. Deux œuvres, en deux genres littéraires différents, nous dévoilent brillamment les deux facettes du Versailles de Régnier. Les poèmes de la Cité des Eaux célèbrent les bassins et les statues, les pièces d'architecture et les réminiscences mythologiques. Versailles se glorifie d'être un haut lieu de création. Les œuvres de pierre ne sont plus seulement prétextes ou décors, elles deviennent comme les motifs incarnés de l'imaginaire symboliste. Régnier aime les statues vivantes. Ainsi, le poème « Ombre d'eau ». Cette statue est charmante de la femme qu'elle fut avant que cette eau dormante reflétât son marbre nu. Mais dans l'eau qui la reflète, au bassin ovale et clair, son ombre me semble faite du souvenir de sa chair. Et la pensée incertaine est telle ou telle suivant que la voix de la fontaine se mêle à la voix du vent. Régnier ne parle nullement de modèle. Il suggère plutôt une métamorphose. La statue était femme et l'ombre dans l'eau dévoile cette chair surgie du passé. Cette ombre reflet recouvre un temps révolu dans le seul imaginaire. Elle matérialise aux yeux du poète, une pure réminiscence de songe. Ce poème est caractéristique du recueil. Il semble bien difficile, en suivant les descriptions de Régnier, d'identifier la statue ou la fontaine dont il s'agit. Le poème lui-même révèle un trouble. Que voit le poète? Que voit le lecteur? Un jeu de miroir entre la statue, la femme et l'ombre reflet. Un jeu dont le regard peine à arrêter le mouvement. Le songe suit l'émission des voix. Cette même année 1902, le Mercure de France publie également le roman de Marcel Batilia, intitulé « Versailles aux fantômes », qui est une histoire d'amour décadente autour du spectre de Marie-Antoinette. On y trouve une alliance identique entre l'art et le songe, et voilà une phrase de Batilia qui pourrait être de Régnier. « Je ne crois pas que Versailles soit la ville trépassée dont elle donne l'impression. Elle est déjà hospitalière au labeur, puisqu'elle l'est au rêve. Celui qui s'est rêvé est si proche de celui qui s'est créé. » La Cité des Eaux naît d'une alliance entre sérénité et mélancolie. Des états tout autres semblent à l'origine du roman du bon plaisir. Le 21 avril 1907, Régnier note dans ses cahiers. « Je devais avoir 12 ou 13 ans. Un dimanche, mon père m'a mené voir à Saint-Germain une cavalcade historique qui représentait, je crois, l'entrée de Louis XIV. De cette foule costumée dans les rues, au soleil, il m'est resté une impression profonde, dont il se retrouve quelque chose dans le bon plaisir, qui peut-être date en moi de ce jour-là. En effet, tout comme La double maîtresse, son premier roman, se construisait autour de la scène centrale de séduction du héros par sa jolie cousine, violemment interrompue par l'intrusion de la mère, toute l'effervescence du bon plaisir se concentre dans le passage de nuit de Louis XIV en route pour la Meuse, dans la petite ville de Vircourt, lieu de résidence du héros Antoine de Pocancy. La lumière surgit dans l'obscurité. L'écriture de ce passage semble alors la réminiscence enchantée de ce souvenir adolescent. Il décrit le cortège nocturne avec un grand soin et n'omet pas de préciser, à l'apparition du roi, il faisait clair comme en plein jour. Régnier nous conte les exploits du maréchal de Manissart, libertin encore vert et guerrier saisonnier, et du jeune fils de son ami Pocancy, devenu son gendre, qui espère se distinguer à la cour du roi Soleil. Le roman est découpé en deux parties. Dans la première, nous découvrons la jeunesse d'Antoine de Pocancy et son engagement auprès du maréchal lors de la prise de la ville imaginaire de Dortmude, près de la Meuse. La seconde partie nous fait découvrir la vie d'Antoine à la cour, sous la forme originale de mémoires écrits par un certain monsieur de Collarso. Le parc de Versailles n'apparaît en fait que très peu dans le roman, mais il intervient à des moments clés, lors de la promenade du souverain. C'est précisément sur cet événement que s'achève la première partie. Antoine de Pocancy vient d'arriver à la cour et renouvelle ainsi l'éblouissement de la nuit de Vircourt. Ce sont les dernières phrases du dernier chapitre de la première partie. Derrière lui, la masse du palais dressait sa dorure du soir. Les trophées sculptés semblèrent plus glorieux. Les cuirasses de pierre s'y gonflaient superbement. Les vitres frappées de soleil s'embrasèrent, il y eut un grand silence, c'était le roi. De manière magistrale, Régnier transporte les personnages de son roman dans son propre univers intérieur. Le promeneur taciturne s'accorde avec le silence et la solitude du parc, mais cette même force agit avec le personnage de Louis XIV qui rayonne dans toute sa gloire. Le lieu de silence devient une lueur éblouissante. Et si Régnier ne s'attarde plus à célébrer les bassins ovales et les eaux miroitantes, c'est qu'un tout autre astre irradie l'ensemble du paysage. Le bon plaisir devient alors le miroir de la cité des eaux. Le roman retrouve la lumière dont la perte est célébrée dans le recueil poétique. Le cadre du passage du bon plaisir, ces mémoires de Monsieur de Collarso, apparaît particulièrement soigné. Régnier ne se contente pas de donner de faux mémoires à l'état brut. Il leur fournit un éditeur de renom, dont on a beaucoup entendu parler depuis ce matin, Pierre de Noyac. En plus du faux pastiche de Collarso, il pastiche une notice de Noyac. Donc, ils étaient, comme Luc Fraisse l'a rappelé, ils se connaissaient, ils étaient amis, et nous lisons cette petite phrase dans les cahiers de Régnier. Pierre de Noyac, avec ses lunettes bleues qu'il ne quitte jamais, semble les porter pour se garantir à travers les siècles de l'éclat du roi Soleil dans ce château de Versailles où il est conservateur. Régnier ignorait, en écrivant ce pastiche du bon plaisir, que le même Pierre de Nauillac serait candidat malheureux face à lui lors de son élection au 39e fauteuil de l'Académie française le 9 février 1911. En 1907, Régnier écrit un conte intitulé « Le Ménechme », ce qui en bon latin se dirait « le sosie ». Le narrateur, qui pourrait être Régnier lui-même, se propose d'écrire une étude sur le maréchal de Manissart, c'est-à-dire sur l'un des protagonistes du roman de 1902. Il se rend à Versailles pour contempler le portrait du maréchal peint par Rigaud. Arrivé au château, le narrateur visite le salon de la guerre et, se dirigeant vers les salles des maréchaux, il fait un détour par la chambre à coucher du roi, où il s'attarde, en regardant l'effigie en cire colorée d'Antoine Benoît qui représente Louis XIV âgé. Il nous fait part de son impression. C'est bien là le vieux Louis, maniaque et superbe, endurci par 50 années de règne, toujours grand malgré le déclin de ses forces et de son astre, celui dont la présence despotique emplit encore l'énorme palais qu'il a construit et qu'il semble toujours hanté de son ombre glorieuse et taciturne. Le narrateur sombre alors dans une sorte de rêverie fascinée. Il va ensuite contempler le portrait de son maréchal de Manissart, représenté devant la ville de Dortmund en flammes, rappelant ainsi les exploits de la première partie du Bon Plaisir. Quittant le château, il part se promener dans le parc où la pluie d'automne a chassé les derniers visiteurs. Et il se rend jusqu'au jardin de Trianon. Ils étaient à moi seul. Seul, je jouissais de leur morose et noble beauté. Aussi me sentais-je un singulier désir de les parcourir tout entier, de n'en pas laisser un coin inexploré. Il me semble qu'ils avaient un secret à me confier et que j'allais surprendre enfin l'énigme de leur mystère. C'est alors qu'il rencontre un vieil homme étrangement accoutré, tandis que l'averse arrive avec le crépuscule. Le narrateur convie l'inconnu à partager la voiture qu'il vient de héler et qui va le ramener dans la ville. En route, le silence règne dans le véhicule. À ce moment, nous passions devant une boutique vivement éclairée et le visage de l'inconnu m'apparut en pleine lumière. Je faillis pousser un cri de surprise. Ce long nez, ces yeux aux paupières lourdes, cette lippe pendante, cette face orgueilleuse et sénile, c'était celle-là même dont j'avais quelques heures auparavant contemplé l'image royale et dure dans la cire de Benoît et qui, par quelque jeu du hasard, revenait devant moi en une prodigieuse et fortuite ressemblance. L'enchantement poétique de Versailles fait de nouveau son œuvre et le narrateur voit le souverain assis en face de lui. C'est là le secret des jardins de Trianon. La puissance du songe sait rendre l'absent présent et le passé vivant. C'était le roi, écrivait Régnier à la fin de la première partie du Bon Plaisir. L'écrivain ne fait qu'un avec ses personnages et sa rêverie contagieuse semble entraîner le lecteur. Ces troubles temporels se retrouvent déjà dans le roman de 1905, au titre si juste, « Le passé vivant », et particulièrement lorsque Lovro, l'un des protagonistes, évoque la statue équestre du roi Soleil sculptée par Le Bernin. Il l'aperçoit en passant à Versailles de la fenêtre du train qui le mène au château de Valnancey, en compagnie de son jeune ami Jean de Franois. Et ce roi de pierre, sur son cheval au galop immobile, ne dirait-on pas le passé courant après le présent ? Ah, c'est un endroit extraordinaire. Et aujourd'hui, par cette brume, c'est le lieu le plus vivant et le plus défunt que je connaisse. Et en automne, son odeur de feuilles mortes et de crépuscule. Quelle solitude, quel silence ! Et pourtant, c'est là que battait le cœur de la vieille France. Versailles est le lieu le plus vivant et le plus défunt que Louvreau connaisse. Ce qui est défunt redevient présent et le phénomène du retour lui donne une qualité de vie superlative. On trouve encore, en 1928, dans son dernier recueil de vers, Flammaténax, un poème intitulé tout simplement Versailles. Ce recueil, un peu testamentaire, où l'on trouve des hommages marqués à Ronsard, Hugo et Baudelaire, commence par de brefs poèmes, dont celui sur Versailles. Cette pénultième évocation semble attirer à elle tous les motifs liés au nom prestigieux. Passé, tristesse, solitude, silence, pleurs, écho, reflet, paix, amour, fragilité, or, cendre et songe. Je vous le lis. Versailles, je t'apporte une douleur secrète et je la confie à tes dieux, avec tout le passé qui flotte et se reflète en tes bassins mystérieux. Écoute mon tourment, ma tristesse et ma peine de tout ton silence attentif et que pleure avec moi le pleur de la fontaine dans l'odeur de buis et de l'if. Accompagne le bruit de mon pas solitaire de son écho le plus lointain, et montre-moi comment en son or qui s'altère, toute gloire en cendre s'éteint. Dis-moi que nul amour ne persiste et ne dure que si royal qu'il ait été, bien qu'invisible encore il porte la fêlure d'où lui vient sa fragilité, et fais que dans mon cœur descende et se prolonge cette paix qui te rend si beau, Versailles qui t'endort et tes dieux dans un songe de feuillage, de pierre et d'eau. Nous entendons comme un écho lointain, par-delà les années, à des vers d'un poème intitulé « Le socle de la cité des eaux ». Et de l'amour tombé du socle qu'il dénude, il reste un bloc égal qui semble le tombeau du songe, du silence et de la solitude. Les images de mort et de désenchantement alternent avec celles de vie et d'animation onirique. Le tombeau apparent figure aussi un refuge pour le rêveur. De même, le rêveur devine les ombres qui s'agitent autour du socle dénudé. L'amour, passé, présent ou futur, continue d'affirmer sa présence. Régnier proclame encore le réconfort dans ce dernier sonnet aux allures crépusculaires, toujours tiré de Flammaténax. Je sens que c'est ici que je viendrai, quand l'ombre aura tissé son voile obscur autour de moi et que son dernier fil frémira sous le doigt de la parque qui sait nos heures et leur nombre. De ma mémoire enfin, que son tumulte encombre, je chasserai bien loin le souvenir qui croît. Dans le cadre à jamais de son miroir étroit, conserver tout le ciel étincelant ou sombre. Seul, libre du passé comme de l'avenir, Versailles, c'est en toi que je veux voir finir ce qui me restera de mon suprême automne. Et comme récompense à qui t'a bien chanté, n'est-il pas juste aussi que ta grâce lui donne ton silence, ta solitude et ta beauté. Silence, solitude et beauté, songe, solitude et silence. Voilà dites et redites les aspirations du poète, libre du passé comme de l'avenir. Faut-il entendre par là une apologie du présent ou une suspension du temps ? Versailles rend-il à toute chose sa pleine présence ou fait-il au contraire toucher l'éternité ? La réponse et sans doute à chercher du côté du promeneur. Ici encore, nous sommes en présence d'un miroir. Un miroir toujours réciproque. Le promeneur se voit dans le parc de Versailles et le parc de Versailles forge peu à peu le promeneur. Le lecteur se trouve pris dans ce double flux que le poème restitue, dont il constitue la trace. C'est la magie de Versailles qui nous apprend que, pour régner, le poème est bien une trace, un vestige. Je vous remercie.